Écoutez et répétez les mots qui suivent. 1. Le son ou. Sou. Dou. Boule. Joue. Loup. Goûter. Courir. Fou. Route. Manchou. 2. Le son O. Do. Auto. Non. Ôter. Cadeau. Aussitôt. Chose. Photo. Oser. Coopérer. Trois. Leçon A. Sort. Colle. Soleil. Occupé. Coton. Populaire. Dommage. Alors. Effort. Quatre. Leçon A. Climat. Phase. Pâte. Tâche. Pas. Gâteau. Part. Tu seras là.